elle est quelque part. Je la trouverai, il n'est jamais trop tard. Oh, comme un diamant noir pour le monde entier, elle sera à part. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca, on allait à Barcelona, on allait à ma chérie si tu savais. Ma vie c'est la bohème, pars avec moi si tu m'aimes. J'ai toi mon année. Te dire au revoir, mais sans te faire de la peine. On verra bien où la vie nous mène. Si oui ou non, tu seras ma reine. Pourquoi tu es si belle? Pourquoi tu m'enfoncelles? Avant de me brûler les ailes. Mais dis-moi comment tu t'appelles. Mais pourquoi tu es si belle? Avant de me brûler les ailes. Oh, moi, dis-moi comment tu t'appelles. Mon aller à Punta Cana, mon aller à Casablanca, mon aller à Barcelona, mon aller à. Je ne sais pas qui tu es, mais les étoiles m'ont mené à toi et je dois mettre les voiles. Je suis désolé, ne m'en veux pas. Je ne suis qu'un homme qui jamais ne se dévoile. Oh, t'attends pas, oh, ma belle, tu as le choix. Oh, oh ma belle, ne m'attends pas, oh ma belle, je m'en veux pas. M'en aller à Punta Cana, m'en aller à Casablanca, m'en aller à Barcelona, m'en aller à